À l'occasion de la journée de la brillante étoile Fête nationale suprême, les compétitions sportives pour le prix Paek Tesan sont ouvertes le 1er février au gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang. Et on prépare Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres intéressés et les sportifs. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu le match de basketball masculin de première classe entre le club sportif Amnokang et le club sportif Locomotive. Pendant le délai des compétitions, il y aura les matchs de football, de basketball, de volleyball, de ping-pong, de hockey sur glace, etc. partout dans les pays comme Pyongyang et villages de sport du secteur du Mont Paektu.